Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Hop là! Auditrice, auditeur de Sorgia FM, bonjour! Et tous mes meilleurs vœux pour 2019, la santé, le bonheur et plein plein de bonnes choses! Et tout ça accordéonistiquement! C'est Michel qui vous présente l'émission Accordéon Parade. Et Accordéon Parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Émission pour les mordus du dépliant, pour les amoureux de l'accordéon. Et c'est 100% musette sur la bande FM. Et accordéon parade, eh bien accordéon parade, c'est le royaume de musette. Jean-Michel Sonora. Oui, et merci à Roland Zaninetti qui vient de nous interpréter un classique de la valse, Les Nocturnes. On va continuer avec un passo doble. Nous allons faire un petit tour en Andalousie avec André Trichot. Pasa parada Andalousia. We'll be right back. Et merci à Mimoun Prudhomme de nous avoir interprété un morceau des Frères Méninger, La Fusée. Allez, elle était entraînante, cette fusée. Merci à Claude Chevalier qui vient nous faire valser avec cette merveilleuse valse entraînante. Et vous êtes bien sur les 91, 91 MHz de votre radio sympathique, Sorgia FM. Accordéon parade, c'est le titre de l'émission que vous écoutez en ce moment. C'est Michel qui vous propose, qui vous présente l'émission. En cette année, en cette année 2019, Michel va fêter ses 35 ans d'accordéon sur l'antenne de Sorgia FM. Et maintenant, si on allait écouter un sympathique accordoniste qui nous vient du Portugal, c'est José Luis. We'll be right back. Et merci à Fabrice Pédusseau d'Aix-les-Bains qui nous interprétait ce merveilleux passe-doble. Merveilleuse passe-doble, comment ? Non, on dit merveilleux, on dit pas merveilleuse. Non, mais c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Gérard Destrumeau avec son accordéon qui nous vient du Nord et qui nous interprète merveilleuse. Di-da-da, di-da-da. Thank you. je danse avec toi. Au rythme de nos pas, je sens tout contre moi, ton petit cœur qui bat. La vie est si jolie, fini tous les soucis. Quand les yeux dans les yeux, ton regard lumineux est pour moi un aveu. Merveilleuse rumba, quand je danse avec toi, je voudrais pour toujours te garder mon amour, serrer tout contre moi, t'aimer toute la vie, et nos cœurs réunis, je chanterai toujours pour toi seul mon amour, merveilleuse rumba. Et bien maintenant, après cette rumba, nous allons écouter une polka par monsieur Émile Vacher, le 78 tours de service. Et oui, et ce morceau date de 1936 et je l'ai recopié sur 78 tours parce qu'ici à la radio, je travaille avec des CD, des clés et des 78 tours comme vous allez pouvoir écouter maintenant. Alors on écoute Rose d'or, monsieur Mimile Émile Vacher. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci à Adolphe le Voyageur qui vient de nous interpréter un merveilleux tango, un tango qui fait rêver, c'était la Paloma. Et toujours en compagnie de Michel qui vous présente tous ses meilleurs voeux accordéonistiques ainsi que mes amis accordéonistes. Au fait... Est-ce que vous avez enregistré des morceaux ? Pour pouvoir danser dessus. Parce que ce jour, eh bien, c'est drôlement dansant les morceaux. Comment ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Michel fait que de parler, alors on ne peut pas enregistrer. Oh, ce coquin de Michel. Thank you. Merci à Dédé, à André Marc qui vient de nous interpréter Impérial Musette. C'est une merveilleuse valse. Et on continue avec les André. Maintenant, c'est André Verschuren qui nous interprète un passo doble. Après André Verschuren, eh bien, notre accordoniste, c'est Joe Basile. Thank you. Gilena Campagnola, c'était Joe Basil qui a nous interprété ce morceau. Et maintenant, voilà des merveilleux accordéonistes. Ils sont plusieurs. Ce sont les accordéonistes jurassiens. Et avec eux, il y a Mademoiselle Ninette, les accordéonistes jurassiens. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Sur les 91-91 MHz de Sorgia FM, vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Accordéon Parade qui a l'âge de la radio, puisque dans quelques jours, dans ce début du mois, au milieu mois de janvier, eh bien Sorgia FM va fêter ses 35 ans d'existence. Michel aussi. Et puis accordéon parade, c'est du vrai bonheur. Écoutez ces accordéonistes, si c'est pas beau. Vous les avez entendus, les deux accordéonistes jurassiens, Gilbert Schwab et Gilbert Hofstetter. Eh bien, ces deux sympathiques jeunes hommes, on va leur offrir une Violettera. Messieurs, c'est pour vous! Merci, monsieur Édouard Duleux, de nous avoir interprété Twist partout. C'était Édouard Duleux. Et on continue avec un passo doble, bien sûr. Thank you. Eh bien, un grand merci à Monsieur Marceau qui vient de nous faire valser. Ah, cette merveilleuse valse. Et puis, comme l'année commence ou finit, comme vous voulez, eh bien, comme nous sommes en 2019, on va durer encore, allez, encore 5 petites minutes d'accordéon et ça fera pas de mal. Allez, on va aller se promener au bord du Doubs. Thank you. quand je pianote de mes 10 doigts cette canzone remplie de joie. Vos pas résonnent et c'est pourquoi on crie, on chante ce refrain-là. Olé, olé, olé, olé, olé, olé. Et de ce danse à la romance d'Italie. Olé, olé, olé, olé. Elle nous invite au pays des signorinas. Olé, olé, olé, olé. Cette mélodie aux mille couleurs qu'on aime bien. Olé, olé, olé, olé. La plus grande de toutes les più bella musica. C'est le sympathique Damien Poyard qui nous entraîne dans des morceaux entraînants et de bons morceaux. Allez, on va continuer avec une grande parade. Et c'est Jules l'Ancien qui nous interprète ce morceau. Et comme tous les dimanches, eh bien on écoute la grande parade de l'accordéon sur les 91-91 MHz de votre radio sympathique sur GFM. Et c'est Michel qui est aux commandes. Une heure d'accordéon. 100% musette sur la bande FM. Une émission pour les mordus du délire. Le titre de l'émission, c'est Accordéon Parade. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission le mardi à partir de 10h. Autrement, dans la semaine, sur Internet Popcast. Je vais vous quitter, auditrices, auditeurs sur GFM pour ce dimanche. Ou ce mardi, comme vous voulez, avec tous mes meilleurs voeux pour 2019. Et comme chaque année, à la fin de l'année, on va faire un petit tour sur les flots du Danube bleu. Donc, nous allons faire un petit tour à Vienne avec Maurice Alexander. Et nous sommes en 1930. Allez, vas-y, Momo! Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Et tous mes meilleurs voeux 2019. Puisqu'elle est là, à la porte. Comment allez-vous, auditrice, auditeur de Georgia FM, ça va? Alors, vous avez bien mangé ces jours? Comment? Ah ben bien sûr, il faut manger raisonnablement, bien sûr. Vous me dites, on peut plus, mais bien sûr, si vous mangez comme un boive. Comment? Et puis vous allez remettre encore ça ce soir? Vivement que ça se finisse. Qu'on puisse perdre des kilos. Alors, avec cette nouvelle année, eh bien, on va vous souhaiter beaucoup de choses. Du bonheur, c'est le principal. De la santé, bien il en faut. Et puis, que la Terre tourne un peu mieux, que ça aille un peu bien dans ce monde. Parce qu'en ce moment, ça va pas tellement bien. Alors on va chanter avec Nicole la paix sur terre et elle doit arriver. Quand je m'attends au soleil couchant, lorsque je regarde le matin levant, quand je me balade à travers champs, c'est avec mon cœur d'enfant. Et quand je m'étonne de tant de beauté, il y a des hommes qui me rient au nez, mais je leur pardonne, je leur dis bonjour et je leur souhaite en retour la paix sur terre. C'est ma prière, moins de violence, d'indifférence. Plus de je t'aime et moins de haine, plus jamais de peur au fond du cœur. Moins de frontières, moins de misère, moins d'égoïsme, de monisme. Moins de paroles et de symboles, plus de tendresse, moins de promesses. Puis-je faire avec une chanson? Mais pourquoi me taire? Y'a pas de raison. Pour faire la guerre, c'est mieux qu'un canon. Y'a qu'à trouver l'unisson. La paix sur terre, c'est ma prière. Moins de violence, d'indifférence. Plus de je t'aime et moins de haine. Plus jamais de peur au fond du cœur. Moins de frontières, moins de misère, moins d'égoïsme, de monisme. Moins de paroles et de symboles, plus de tendresse, moins de promesses. D'une seule voix, chante avec moi. La paix

Maintenant, nous allons valser. Maintenant, je vais dédicacer une valse froufrou à Solange, une sympathique auditrice qui est sur le plateau de Lasmine et puis qui est sympathique. Qui... Voilà, c'est ça. Alors, pour Solange toute seule, eh bien, froufrou. Et je pense que Solange, vous avez quand même dansé sur cette belle valse. Maintenant, on va manger. Ah oui, on va manger la polinte. La polinte, eh bien, c'est pour Michel Darlot, qui nous a fait une de ses polintes il y a quelque temps. Alors, il faut que je remercie Michel. Alors, Michel, un grand merci à vous pour cette polinte, merveilleuse polinte, bien faite, dure. Et puis, on en mange encore. Alors, pour vous toute seule, Michel, eh bien, on a écouté la polenta. Et merci pour la polenta. Quando se pianta la bella polenta se pianta così, oh, oh, oh, bella polenta così, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon. Quando se cresce la bella polenta se cresce così, se pianta così, se cresce così. Oh, oh, oh, oh. Bella polenta così, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon, cia cia pon. Quando sei fiori la bella polenta sei fiore così, se cresce così, se pianta così, sei fiore così. Oh, oh, oh, oh. Bella polenta così, già già pon, già già pon, già già pon, già già pon. Quando se cose la bella polenta se cose così, se fiore così, se cresce così, se pianta così, se cose così. Quando si smisia la bella polenta si smisia così, se cose così, se fiori così, se cresce così, se pianta così, se smisia così. Oh, bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si taglia la bella polenta si taglia così, si smisce così, se cose così, se fiore così, se cresce così, se pianta così, se taglia così. Oh, bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si gusta la bella polenta si gusta così, se taglia così, se smisce così, se cose così, se fiore così, se cresce così, se pianta così, se gusta così. Quando si mangia la bella polenta si mangia così, si gusta così, si taglia così, si smisce così, si cose così, si fiori così, si cresce così, si pianta così, si mangia così. Eh bien, la belle polenta, c'était pour Michel, Michel Darlot, qui nous a fait une merveilleuse polenta il y a quelque temps. On s'était régalé. Alors Michel, si le cœur vous en dit, vous pouvez refaire une autre polenta avec un sujet, par exemple. C'est bien, mais merci quand même et bravo d'avoir réussi une merveilleuse polenta. Allez, maintenant, on va continuer, on va écouter « Toutes les femmes sont belles ». Alors ça, je dédicace ce morceau à un sympa jeune homme qui habite Ochia, et toutes les fois qu'il voit Michel, il dit « Alors Michel, toutes les femmes sont belles, je ne l'ai pas entendu. » Alors pour Pierrot, pour ne pas le citer, pour Pierrot, pour lui tout seul, nous allons écouter « Toutes les femmes sont belles ». Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certaines ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'âme reste cachée. Les femmes sont belles, tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Toutes les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. On est près d'elles et sous sois adolescente ou bien maman, en dentelle ou en blue jeans, tout simplement. Qu'elles soient brunes, blondes, rousses, ou bien qu'elles aient des cheveux blancs, mon cœur leur chante à tout en même temps. Tout, tout, toutes les femmes sont belles. Tout, tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz, le dimanche, vous retrouvez Michel et son accordéon, bien sûr. Michel qui vous présente tous ses meilleurs voeux de bonheur, de santé et puis plein de bonnes choses. Alors je vous signale qu'Accordéon Parade, c'est le dimanche de 9h à 10h. Émission rediffusée le mardi de 10h à 11h. Et puis vous pouvez écouter Accordéon Parade sur internet, podcast, sur GFM. Je remercie aussi les auditrices et les auditeurs qui ont téléphoné ce dimanche matin et qui m'ont présenté leurs meilleurs vœux en me disant « Mais dis donc Michel, il faudra que tu fasses encore 35 ans pour qu'on soit heureux. » Eh bien, je vais essayer, je dis bien que je vais essayer de tenir encore, allez, pas 35 ans, mais 30 ans. Oui. Briller l'espoir sur mon chemin. me disais que toi aussi tu te souviens. Ah, quel grand bonheur alors serait le mien. Veux-tu savoir combien je t'aime, puisque nos cœurs n'y croyaient pas. Et pourtant c'est vrai, la nuit, le jour, je te revois. Alors je le sais, demain tu m'écriras. Et bien maintenant, on va écouter mon beau Jura. Et c'est pour deux sympathiques jeunes hommes, c'est pour Philippe et Pascal qui écoutent sur GFM. Alors pour ces deux sympathiques jeunes hommes, et mon beau Jura. Mon beau Jura, berceau de mon enfance, j'aime tes bois, j'aime ta voix. Sur tes coteaux où croissent les gentianes, j'aime l'été, m'y promener. Et l'on Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Ouais, Dédé. Ouais, macho, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, hein. Sors ta bazar. Tu sautis. Ouais, non, ouais, je parle de ton accordéon. Ah, hein. Oh, d'accord, j'ai peur. C'est rigolo, quand j'ai tout chaud, j'avoue l'accordéon d'un coup. Quand j'entends de la musique, j'y vais. Tout de suite, j'm'abonne ma petite branche vers l'auto. J'ai un même temps. Et c'est avec le Ch'ti Orchestra que se termine l'émission. Ma veille est tout fière aussi. Et j'y joue ma... L'émission d'accordéon et de variété. Et je vous rappelle encore une dernière fois la technique, la présentation, le programme. C'est tout du gamin Michel. Allez, passez une bonne semaine. Tous mes meilleurs voeux à vous toutes auditrices, auditeurs sur GFM. Beaucoup, beaucoup de bonheur, une bonne santé. On le dit chaque année, mais c'est toujours pareil. Et encore merci aux auditeurs, aux auditrices qui ont téléphoné et qui m'ont présenté leurs vœux ce dimanche. Ou ce mardi, puisque l'émission est rediffusée le mardi. Bon dimanche, bon mardi. Et bye bye! Je suis un ménager à l'état.